Cet homme qu'on acclame, c'est ton nouvel amant. Laisse-moi, laisse-moi. Tire mon âme, tu ne passerais pas, Carmen. C'est moi que tu suivras. Laisse-moi, Don José, je ne te suivrai pas. Tu vas le retrouver, dis qu'il aimait donc. De mon âme, je l'aurais perdu pour que tu n'ailles pas femme entre ses bras rire de moi. Ne parle ça, tu n'iras pas, Carmen, c'est moi que tu suivras. Non, non, jamais. Je suis là de te menacer. Donc, laissez-moi passer. Pour la dernière fois, dis-moi, veux-tu me suivre? Non, non. Cette bague, autrefois, tu me l'avais donnée.